Je n'ai plus personne pour aller au troubadour. Je n'ai plus personne pour aller au troubadour. Une petite fille de Bourgogne que j'ai accueillie m'a tout pris. Ce soir, tout au fond du Shamrock, je pleure sur mes sous-bocs. Car je n'ai plus personne pour aller au troubadour. Je n'ai plus personne pour aller au troubadour. On me dit de m'en foutre, que ce sont des losers, qu'avec ma vie de rockstar, je vis à 100 à l'heure. Mais je ne peux pas m'empêcher d'encore y penser, envahi que je suis par ma sensibilité. Oh, je n'ai plus personne pour aller au troubadour. Je n'ai plus personne pour aller au troubadour. Jamais. Wow. Tu m'as...